Avec émotion, la reine identifie alors le jeune homme qui lui apporte chaque jour, au péril de sa vie, le bouquet de ses fleurs préférées.